na leli akamwa na baba ai yesi awanga na leli akamwa na baba ai yesi le jour que tu t'en vas dis moi au revoir moi no yo yesi yesi le jour que tu t'en vas moi au revoir, moi no yo Jessie. Jessie, mon demao yangaï, et ton ango na zoué, à la mélange. Jessie, mon demao yangaï, et ton ango na zoué, à la mélange. Jessie, wanga na leli, aka mwana mama. Aïe, Pumba. Yes, yes, yes, yes. la melon Biblo Kamesa na Luciana à la melon Pelagie Kofi Beni Bezi à la melon Rosba Batista Gede Valen à la melon Toi Ben Daouda Pado à la melon Chibodi Jesse Bébé Manga à la melon Eti Chebi Chala Mwana à la melon Ido Marte Bella Mobalia Kati Oh, bolingo ezali se bolingo e yo la kinga to kumbanda na yo jeni tala lokubu na pesida yo mama ngana yo tuka bwana sheri na limate iba na solo ya bato amikolanda te ye amikolanda te ye anayo nakoluka tosolola anayo lelo nalotio dinai nandako ya moto mosusu okolambela ye motene ebetinga wana zuwa mwayete naloba lokola na bala yo te dinai dinai Yeah,